La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'un des pères de la littérature fantastique américaine, Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, né à Providence en Nouvelle-Angleterre en 1890, est mort à seulement 46 ans dans cette même ville, après une vie essentiellement constituée de lecture, d'écriture, de nombreuses relations épistolaires, d'un mariage bref et peu consommé, ainsi que d'une inquiétude globale concernant la vie et son absence de sens. C'est François Bon qui a ouvert le bal de cette série hier. Jeudi, nous parlerons des mythes inventés par Lovecraft, comme le Necronomicon et le mythe de Cthulhu. Enfin, demain, il sera question des adaptations au cinéma ainsi que de la ville, l'architecture et les cités enfouies dans les livres inventés par Lovecraft. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, parce que le secret d'une bonne histoire, c'est bien souvent l'enjeu qu'elle recèle, nous nous intéressons à la vision du monde de Lovecraft, son rapport aux politiques, la démocratie et puis plus généralement son rapport aux autres, à ceux qui ne lui ressemblaient pas. Nous le faisons avec Jackie Ferjeau en première partie. Il a publié en 2008 un livre qui s'appelle « Lovecraft et la politique » aux éditions L'œil du Sphinx. En deuxième partie, nous serons avec un philosophe, Cédric Monger. Il nous dira pourquoi ce qui est effrayant chez Lovecraft, ce ne sont pas les bêtes venues d'ailleurs, mais bien l'absence de tout Dieu. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Lovecraft n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. L'univers astronomique existe, la menace de la science dont il parlait en 1924 dans l'appel de Cthulhu, elle est maintenant sur nous. Quand il dit que la science, quand elle aura rapproché un certain nombre d'éléments et parts, nous détruira, nous y sommes. Ce n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. Ce qu'il raconte est vrai, ce qui fait une très grande différence avec l'imagination, avec la fuite. Oui, mais enfin, tout dépend de ce qu'on entend par réalité. Enfin, évidemment, tout est réel chez Lovecraft parce que le fantastique pour Lovecraft est réel. Enfin, je crois que c'est sa vision du monde. Enfin, évidemment, tout est réel pour lui, il n'y a pas de problème. Pas pour lui, pour nous aussi. Et pour nous aussi, ce qu'il raconte est vrai, c'est ça la différence avec les autres. Le journaliste, chimiste, écrivain et aussi espion franco-polonais Jacques Bergier qui s'entretenait avec Michel Zerafa et Raymond Bellour. Bonjour Jackie Ferjeau. Bonjour. Vous y croyez-vous à ce que dit Jacques Bergier, que Lovecraft serait le Zola des mondes enfouis, un écrivain avant tout réaliste? J'avoue que la thèse me surprend un peu. Oui, c'est surprenant. Hein. Encore que, bon, il faut accorder un certain crédit à Bergier, c'est quand même lui qui a contribué beaucoup à faire découvrir Lovecraft en France. Pourquoi il dit ça, d'après vous ? J'avoue mon ignorance, il faudrait lui demander à lui, mais malheureusement il n'est plus de ce monde, et donc le mystère reste entier sur ce problème. Et justement, il y a une atmosphère un peu mystérieuse autour de Lovecraft, autour de sa littérature, dans laquelle il est question de phénomènes scientifiques qu'on cache au public, lequel public ne pourrait de toute manière pas y croire. Est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de goût du complot, soit chez Lovecraft, soit chez les personnes qui l'admirent et qui le lisent? Oui, on peut penser ça, effectivement. Ça m'a effleuré à plusieurs reprises lorsque je l'ai lu. Mais je ne me demande si c'était vraiment conscient dans son esprit d'auteur. Je pense plutôt que c'était le résultat de ces faits profonds qui l'ont marqué toute sa vie, à savoir que nous sommes le grain de sable dans l'univers et que nous n'avons pas beaucoup de prise sur les éléments, et que donc il faut s'organiser soi-même en tant qu'être humain pour avoir une vie, disons, acceptable, dans laquelle Lovecraft plaçait la culture à un très haut niveau, parce que pour lui, elle était la source de quasiment, d'où découlait quasiment tout le reste. Mais c'est vrai que, effectivement, cette idée m'a souvent effleuré lorsque je l'ai lu. Qu'est-ce qui permet de le penser dans sa littérature ? Cette façon qu'il a d'aborder à travers les monstruosités qu'il défend et qu'il assène, cette façon de démontrer, de contribuer à démontrer que finalement, nous, pauvres humains, nous sommes peu de choses. On va y revenir justement à cette idée du grain de sable. Il y a aussi chez Lovecraft, très profondément ancré, l'idée du déclin de l'Occident. Oui. C'est un décliniste ? Oui, c'était un décliniste convaincu. Il était dans les années 30-35, c'est-à-dire à l'aube de sa vie d'homme, et puisqu'il est né en 1890, il était un fanatique du philosophe allemand Oswald Spengler. L'auteur du Déclin de l'Occident. Voilà, justement. Et qu'il cite à de nombreuses reprises, dont j'ai moi-même lu une partie. D'ailleurs, je cite dans mon livre Lovecraft et la politique, je cite en annexe la préface de cet ouvrage. Et Spengler était convaincu qu'effectivement, l'Occident était dans sa période de déclin. Lovecraft en est convaincu lui aussi à 100%, d'où son admiration pour ce philosophe. L'idée de Spengler, c'est que les civilisations ont un cycle de vie, oui, qu'elles s'épanouissent et qu'elles meurent comme des organismes, oui, naturels. Oui, absolument. Lovecraft pensait cela aussi, il l'a répété à de nombreuses reprises, tant dans ses œuvres de fiction que dans ses lettres. Et je suis de son avis aussi, d'ailleurs. C'est une évidence. Toutes les civilisations, les grandes civilisations comme les petites, qui sont nées, ont vécu et sont mortes. De là à dire que nous sommes dans une phase de déclin, c'est après un point de vue qui va encore un peu plus loin. Quel serait, pour Lovecraft, le moment de l'apogée, alors ? Alors, le moment de l'apogée pour Lovecraft, c'est sans aucun doute, à mon avis, l'abandon des signes culturels. Pour lui, la culture est une chose très importante et c'est indépendamment du confort matériel que tout être humain peut acquérir. Pour lui, c'est la pièce essentielle du puzzle qui est nécessaire pour réussir une vie. Et quel genre de culture ? La culture classique ? La culture dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui font que de par ses héritages, par sa vie présente, et même peut-être à venir, dans les perspectives qu'il peut offrir, un être humain peut se réaliser. Il y a de très nombreux exemples dans les lettres ou dans les œuvres, mais surtout dans les lettres, à mon avis, qui démontrent cet état de fait et cette pensée lovecraftienne. Alors c'est justement, Jackie Ferjot, sur les lettres que vous vous êtes basé beaucoup pour essayer de comprendre quelle était la pensée politique de Lovecraft. Hier, François Bon nous disait qu'il fallait arrêter de l'appeler le reclus de Providence, parce que d'abord il avait justement une correspondance très importante et puis qu'il rencontrait beaucoup de gens, qu'il parlait beaucoup de gens aussi, qu'il lisait beaucoup les journaux. Est-ce que pour vous il était ouvert politiquement sur l'extérieur et très informé ? Complètement. Les premières lettres que nous avons de lui à ses correspondants nombreux datent de l'époque 1925-1926. Il a passé une grande partie de sa vie à se construire un réseau de correspondants à travers les États-Unis, même quelquefois à l'extérieur. On parle de 40 000, 60 000 lettres. Oui, c'est tout à fait phénoménal. Le nombre de lettres qui ont été publiées chez Arkham Press, qui représentent 4 livres d'environ 250 pages chacun, ne sont qu'une infime partie de tout ce qu'il a écrit en correspondance et qui est déposé à la bibliothèque John Hay à Providence. C'est une toute petite partie. On découvre, sont publiées régulièrement des correspondances avec d'autres auteurs, par exemple avec Smith ou avec d'autres amis écrivains proches. Et le flot ne tarit pas. Et qu'est-ce qu'il en ressort quand, comme vous, on se plonge dans cette immense correspondance ? Quelle est l'atmosphère, finalement, de ces lettres ? C'est une atmosphère qui, moi, me convient beaucoup, qui est faite d'acceptation de la vie sous les conditions dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire que l'acceptation de que nous sommes le grain de sable dans l'univers, et sous des conditions qui sont parfois ambiguës parce qu'elles ne sont pas claires, certaines même se contredisent, s'agissant par exemple du rôle de l'État dans la marche d'un pays, le sien en l'occurrence, il y a parfois des contradictions et un manque de visibilité qui donne à penser qu'il entrevoyait bien ce qu'il aurait convenu de faire, mais que n'ayant pas ni la formation politique ni évidemment les moyens pour sa réalisation, il ne pouvait peut-être pas complètement aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc il y a un opportunisme chez Lovecraft ? Non, je pense pas. Donc je pense pas. Ce sont des réactions parfois épidermiques, mais toujours pleines de bon sens. Simplement, le lecteur qui les lit se pose parfois de certaines questions parce qu'il y a des ambiguïtés. Alors ces ambiguïtés, on va rentrer progressivement dedans pour voir de quoi elles sont faites. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un assez long extrait d'un texte qu'il a écrit et qui s'appelle « Des ombres sur Innsmouth ». C'est l'un de ses textes les plus connus dans lequel on entend que Lovecraft n'était pas dénué de pensées racistes. Un billet pour Arkham, s'il vous plaît. Le moins cher. $3.40. Tant que ça ? C'est le tarif le plus bas pour le train. C'est trop cher pour moi ? Désolé, j'ai pas mieux à vous proposer. Et par le bus ? Il y en a pas. Ou alors, il vous faut revenir en arrière. Ceci dit, vous pourriez peut-être prendre le vieil autobus de la côte. Il passe par Innsmouth. Vous avez dû en entendre parler. C'est un type d'Innsmouth qui le conduit. Joe Sargent. Les places doivent pas être très chères, mais j'y vois jamais plus de 2 ou 3 personnes. Et toujours des gens d'Innsmouth. Il quitte la Grand Place en face de la pharmacie Hammond à 10h le matin et à 7h le soir, à moins qu'il ait changé dernièrement. Innsmouth ? Je la trouve pas sur ma carte. Pas étonnant. Innsmouth, c'est une étrange ville à moitié déserte. Un peu oubliée à l'embouchure du Manuxet. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd'hui qu'un atelier d'affinage d'or qui fonctionne à très petit rendement. Vous dites ça bizarrement ? Par ici, on n'aime pas trop les gens d'Innsmouth. On raconte des histoires sur certaines familles, comme les Marches. Moi, je suis pas d'ici, je suis du Vermont, alors j'y fais pas trop attention. Je crois qu'ils ont... Ils ont peur à cause de toutes ces fables. Celle sur le récif du diable en face d'Innsmouth, ou sur des maladies étranges venant de Chine ou du Pacifique qu'auraient attrapé les gens de cette ville. Il y a eu aussi des émeutes le siècle dernier, et toutes sortes d'horreurs dont la ville, je crois, n'a jamais été délivrée. Ces histoires anciennes ne suffisent pas à rendre la ville infréquentable ? Je suis d'accord avec vous, jeune homme. Je crois que la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial. Vous êtes de l'Ouest, pas vrai ? C'est exact. Vous devez savoir que nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec d'étranges ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud, et qui ramenaient quelquefois de drôles d'individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise. Pas vraiment. Vous savez peut-être qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod. Non plus. Qu'importe. Il doit y avoir une histoire de genre, car il y a quelque chose de spécial dans le physique des habitants d'Innsmouth. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ça vous met mal à l'aise. Sur Innsmouth, interprété par Guillaume Marquet et Philippe Bautier. Jackie Ferjo, quelle analyse vous faites de cet extrait qu'on vient d'écouter ensemble ? Alors, la première constatation que je fais, qui m'a fortement étonné, c'est que c'est très radiophonique. Pourquoi ça vous a étonné ? Il y a eu des adaptations pas mal hein, pour France Culture. Oui, notamment. Mais enfin... Il y en aura encore d'autres, je l'annonce. On a l'habitude de voir Lovecraft par le prisme d'une page de lecture ou d'écriture. Et là, ça prend tout d'un coup un aspect vivant. C'est un récit, en fait. C'est un grand conteur aussi. On pourrait même, si j'osais, dire qu'on pourrait l'entendre dans certaines circonstances à notre époque. Et alors sur le fond, c'est-à-dire sur ce qui est dit dans ce dialogue, il est clairement fait mention du racisme de ses habitants, de la Nouvelle-Angleterre, envers donc les habitants de ce lieu maudit qu'est Innsmouth. Mais on ne sait pas très bien si il y a de la condamnation ou s'il y a de l'approbation de la part des personnages. Oui, c'est vrai, mais ça reste un récit malgré tout. Dans ses premiers textes, tout ce qui nous est parvenu, il est déjà question de racisme. Par exemple, dans La rue, qui est un texte assez court, qui date de 1920, on peut lire « Quelques années plus tard, d'autres immigrants commencèrent à bâtir des cabanes sur le côté de la rue. L'air n'était peut-être pas aussi pur que jadis, mais l'atmosphère du lieu restait la même. Les nouveaux venus avaient des voix rauques et stridentes, et leurs visages étaient déplaisants. De nouveaux visages firent leur apparition dans la rue. Ils étaient sinistres, basanés, aux traits grossiers et aux regards furtifs. Ces hommes parlaient une langue inconnue. » Ça reste une fiction. Mais à la lumière de ce qu'on peut découvrir ensuite dans la personnalité de Lovecraft, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde sait bien qu'un écrivain, même dans une fiction, puise toujours ça et là des éléments de sa vie personnelle. Et même un peu plus que ça, Jackie Ferjeau, puisqu'on découvre dans sa correspondance, par exemple, qu'il était un admirateur de Mussolini, alors que pourtant, il méprise les Latins en général. Absolument. Alors, s'agissant de Mussolini et plus encore d'Hitler, Lovecraft était très intéressé par ce qui lui arrivait par les journaux et par la radio de la montée du fascisme en Europe. Mais il condamnait de toute façon... le nazisme, qui selon lui était un nivellement de la culture, toujours elle, par la base. S'agissant Il avait quand même, oui, il l'appelle Adolphe dans ses lettres, parfois il l'appelle vrai, oui. Le bel Adolphe. Exactement. S'agissant d'Hitler, il distingue la culture et l'homme. Pour la culture, par exemple, il écrit en 1933. Au sujet du bel Adolphe, je reprends ce que vous disiez, en disant qu'il est sincère et que c'était là une base derrière quelques-unes de ses attitudes, je n'implique pas que son programme actuel n'est pas extrémisme grotesque et à l'occasion barbare. Par rapport à l'homme, il le dit, toujours en 1933, l'homme Hitler se trompe. Un homme élevé dans la véritable tradition allemande, avec comme première sensation le paganisme viril et la psychologie protestante qui appartiennent à la nation et qui exclut tout apport héréditaire venant d'une autre culture, doit certainement être un citoyen à part entière et un fonctionnaire potentiel, même si quelqu'un de totalement ou au quart ou à moitié juif figure dans sa généalogie. Un peu plus loin, il dit « Je sais que c'est un clown, mais par Dieu, j'aime ce type ». Oui, c'est quand même c'est très clair. Voilà, c'est ambigu. Moi, je dis que sur Hitler, il n'est pas très net. Ça manque de cohérence. Parce que d'un côté, il admet le système politique auquel Hitler se réfère. Enfin, il ne l'admet pas complètement, mais disons, il est antisémite, voilà. En tous les cas, ça, c'est oui, certain. Mais l'homme, il l'admire d'un côté, mais tout en reconnaissant que... Si j'osais une comparaison audacieuse, je dirais que c'était peut-être son Donald Trump. Oui. Il écrit à ses correspondants, par exemple, en parlant de Mussolini, je crois, qu'un homme de goût doit préférer les choses qui favorisent les hommes forts et avancés aux dépens des masses. Donc il y a cette admiration pour les chefs puissants et il y a cette méfiance pour la masse, on pourrait appeler ça une forme d'élitisme. Oui, absolument, oui. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans certaines de ses correspondances, il fait état de cette situation. bien avant d'avoir entendu parler de Mussolini, puisque il reconnaît effectivement que pour lui, le pays doit être gouverné par une élite, que la masse n'a pas besoin d'être au courant. Donc est-ce qu'il est démocrate ? À cette époque-là, c'est pas encore assumé. Aux États-Unis, quand même, on est démocrate. Oui, mais quand il tient ces propos-là, ça n'est pas encore assumé, loin de là. Disons qu'il a, il a commencé à faire son virage. Tout ce qu'il dit, nous n'avons pas, il faut laisser faire les gens qui sont compétents. Les autres n'ont qu'à suivre. Voilà. En clair, c'est ce qu'il assume. Toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Lovecraft avec Jacky Ferjeau. Jacky Ferjeau, il y a un grand écart un petit peu chez Lovecraft puisqu'on va le découvrir au fur et à mesure de sa vie du côté socialiste. Alors pourquoi finit-il par se dire socialiste ? Il dit, je cite, « croire de plus en plus que seul un contrôle public et une action sans but lucratif d'un grand nombre d'individus peut assurer à la majeure partie de la population un niveau de vie décent correspondant aux services rendus ». Alors, c'est du socialisme ou c'est du national-socialisme au fond, parce que ça se rejoint parfois ? Pour Lovecraft, c'est du socialisme, mais ça n'est pas le socialisme auquel nous donnons aujourd'hui la signification. Il faut voir qu'en 1933, il y avait aux États-Unis 13 millions de chômeurs nés de la crise de l'industrialisation massive, du taylorisme mis en place par l'auteur de son projet, et aussi par l'afflux des immigrés, qui évidemment, n'ayant pas des compétences parfois extraordinaires, ne pouvaient pas prétendre à un travail régulier. Et en période de chômage, c'est souvent les gens qui n'ont pas de compétences qui sont sacrifiés. Donc en 1933, 13 millions de chômeurs. Lovecraft applaudit à l'élection de Roosevelt et dit en 1934, au début 1934, dans un de ses correspondants, il écrit... Il fait son mea culpa. Il écrit « J'ai été un réactionnaire borné avant les événements qui m'ont amené à réfléchir à l'ordre politico-économico-industriel et à son inévitable évolution. J'ai maintenant réalisé que l'application généralisée de la mécanisation à l'industrie avait totalement détruit les anciens rapports entre les individus et la quantité de travail global à effectuer, de sorte que le laisser-faire, c'est en français dans le texte, hein, capitaliste, se trouve sans aucun doute au bout du rouleau. » Donc, on voit là pointer une mue de Howard Lovecraft, et qui va s'affirmer, puisqu'il a voté, il n'a pas dit sur le moment, mais il a avoué plus tard à un de ses correspondants qu'il avait voté pour Roosevelt. Donc on voit pointer là le nez du démocrate tel que... Parce que pour vous, à la fin, il termine sa vie en ayant expié ses démons racistes, antisémites. On n'a pas parlé des Noirs, mais enfin, il a aussi une vision de domination, hein, du blanc sur le noir. Lui-même considère qu'il est blanc de craie, je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la fin de sa vie, il s'est amendé là-dessus ? Oui, sans être allé jusqu'à l'expiation. En tout cas, pas d'excuses. Mais il reconnaît qu'il a évolué. En 1935, il écrit « Je ne vois aucun genre d'action méritant d'être adopté. qui présenterait une amélioration par rapport à l'expérimentation actuelle du New Deal. Donc là, le virage est quand même... Cela dit, le New Deal n'a rien à voir avec les questions raciales. On peut être pour le New Deal et être raciste, ça n'a pas vraiment de sens. Dans son esprit, vous avez raison, mais dans son esprit, les choses sont quasiment inséparables. Parce que si le New Deal, et c'est ce qui s'est passé, permet des améliorations sur le plan économique et donc sur le plan vital pour l'individu, il est évident que ceux qu'il considère comme des immigrés doivent aussi avoir leur part du gâteau. Alors, Jackie Ferjot, dans la postface à votre livre, il est écrit, c'est une postface que nous devons à Gérard Klein, il est écrit qu'en fait, Lovecraft était un doux. Alors, ça paraît un petit peu un contre-pied. Expliquez-nous pourquoi Gérard Klein nous dit que Lovecraft était, en politique, un doux. Je pense qu'il faudrait demander à Gérard Klein lui-même, parce que c'est lui l'auteur de la phrase. Mais vous avez sans doute lu la postface. Oui, bien sûr, mais... selon moi, c'était un doux, selon Gérard Klein, parce que Lovecraft n'a jamais imposé ses idées. D'abord, tout ce que l'on sait de ses options politiques, à part peut-être les quelques lignes qu'on peut glaner par-ci par-là et entre lesquelles on peut lire dans ses fictions, tout ce qu'il a écrit au sujet de son action politique, de sa pensée politique, c'était destiné à un public privé. C'était une correspondance privée. D'autre part, il n'a jamais fait partie, il n'a jamais adhéré à aucun parti. Quand il dit un doux, c'est qu'il signifie que c'est un homme apeuré et que entre l'écriture de jour et l'écriture de nuit, c'est-à-dire entre l'écriture publique, l'écriture qui est une forme d'art, qui est la littérature, et son écriture, comme vous le dites, privé, il y a finalement deux Lovecraft, comme si le Lovecraft de ses contes était finalement plus visionnaire, sans même que l'autre Lovecraft s'en rende compte, que ce Lovecraft privé. Effectivement, on peut tenir ce raisonnement, je pense. Dans sa vie publique, on peut par exemple regretter que, s'agissant de des propos qu'il tenait sur les Noirs, on peut regretter qu'il n'ait pas été un visionnaire. Il s'est contenté de suivre la théorie qui nous paraît hallucinante aujourd'hui, qui avait cours à l'époque, à savoir que les races noires étaient inférieures aux races blanches. Il l'écrit noir sur blanc, un de ses correspondants. On aurait aimé qu'il fût un visionnaire, et qu'il démonte ce système aberrant. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il s'est tenté de suivre le train. Merci beaucoup, Jackie Ferjot. Dans un instant, la suite de notre émission sur Lovecraft, ce sera avec l'historien et philosophe Cédric Monger, mais tout de suite, on retrouve En compagnie des revues. En compagnie des revues avec, comme chaque mardi ou presque, Olivier Mauny en duplex de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Olivier, aujourd'hui vous allez nous parler, cette circonstance, de football et de littérature. Ce que certains êtres grincheux pourraient peut-être considérer comme un oxymore, n'est-il pas Olivier ? Je vais essayer de vous prouver le contraire, mais il est vrai, Mathieu, que j'ai conscience, à 3 jours de l'ouverture de l'Euro de football, de ne pas faire preuve d'une très grande originalité. La plupart de mes confrères ont déjà souligné, que cette compétition s'accompagne, comme il est désormais de coutume avant chaque grande épreuve sportive, d'une remarquable floraison éditoriale, dont on retiendra en premier lieu le numéro spécial du magazine Des Sports, autour de grands footballeurs croqués par des écrivains, ou, aux éditions du Seuil, le dernier penalty de l'Italien Gigi Riva, qui, à propos de l'ultime équipe nationale de Yougoslavie, entreprend de démontrer comment, parfois, un match de foot peut changer la marche de l'histoire, ou, hélas, dans le cas d'espèce, échoue à le faire. Sans oublier le très inspiré, nostalgique et finalement politique à sa façon, Un printemps 76 de Vincent Duluc chez Stock. Mais bref, au-delà de ça, désormais, s'il semblerait que foot et littérature fassent bon ménage, je dis désormais parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi, on y reviendra, Et parce que si les écrivains s'intéressent au ballon rond, on ne se demande jamais si la réciproque est vraie, quel rapport les footballeurs entretiennent-ils finalement avec le livre. Mais alors, quelle est la réponse selon vous ? Disons qu'elle est plus contrastée qu'attendue, peut-être. Et que le temps, c'était en 1986, j'ai retrouvé cette interview la semaine dernière, où Michel Platini répondait à l'Équipe Magazine qui lui avait demandé quel livre il lisait. Il répondait « Je ne lis jamais de livre, c'est une perte de temps ». Je n'aurais pas la cruauté de penser qu'il a désormais le temps de s'y mettre. Ce temps-là est plus méchant, ou moins révolu. C'est méchant. Moins pour les footballeurs, à dire vrai, même s'il y a quelques exemples fameux de joueurs lecteurs, Dominique Rocheteau, par exemple, David Bellion, qui confessa cette prise de passion un jour pour Bret Easton Ellis, Johan Mikou, Lilian Thuram, bien sûr, que pour les entraîneurs, peut-être parce que, de par leur métier, ils sont plus enclins à ce que j'appellerais des constructions théoriques. À propos d'entraîneurs, je songe là à deux d'entre eux, le maître et l'élève préféré qui ont en plus révolutionné chacun d'eux la conception du jeu. Le premier, c'est Marcelo Bielsa, dit El Loco, célèbre en France pour son passage sur le banc de l'Olympique de Marseille. Issu d'une riche famille argentine de juristes et d'artistes, son frère par exemple fut ministre des Affaires étrangères et écrivain dans le même temps, Bielsa se nourrit de cinéma et de littérature, celle de son pays, avec une prédilection, on le sait peu, pour l'œuvre complète de Roberto Arlt, qu'il connaît pour ainsi dire par cœur, et plus largement pour la littérature du boom latino du continent sud et sud-américain. Son élève, qui a fini par dépasser le maître d'ailleurs, en matière de football tout au moins, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur mythique de la grande équipe du Barça, désormais entraîneur de Manchester City. Barcelone est une ville de football et d'écrivains, et Guardiola distribue le jeu entre eux. Il est à la fois un grand lecteur d'Eduardo Mendoza, surtout de Juan Marsé, qu'il connaît très bien, mais aussi un ami intime du romancier madrilène, cette fois-ci, David Trueba. L'un des grands livres de Trueba, qui s'appelle « Savoir perdre » et qui est traduit en France chez Flammarion, raconte l'exil difficile d'un jeune joueur latino au sein d'un club espagnol, dans lequel on reconnaîtra sans peine d'ailleurs le Real Madrid. Lorsque Guardiola était en charge de l'équipe des jeunes du Barça, sa première exigence, chaque début d'année, avant tout exercice sportif, était que les jeunes joueurs lisent ce livre et lui en parlent après. Il faut croire, vu les résultats sportifs qu'il a eus, que c'était pas une exigence si folle. Alors on retient donc David Trueba avec « Savoir perdre », mais quels seraient, selon vous, les autres grands romans consacrés au football, Olivier Monnier ? Il y en a beaucoup, c'est subjectif, évidemment, mais il n'y a pas lieu ici d'être exhaustif. Pour l'exhaustivité, je renverrai à l'excellente anthologie « Plumes et crampons » de Patrice Delbourg et Benoît Emmermann, disponible en collection de poche Petite Vermillon à la table ronde. Delbourg et Emmermann font remonter le premier texte de foot, bien avant Camus, qu'on connaît bien, Nabokov, Duras ou Pasolini, à Homère, qui dans l'Odyssée écrit un trait troublant « La danse du ballon ». Plus près de nous, même si beaucoup penchent pour la suite biographico-romanesque de David Peace, 44 jours et Rouge ou mort, j'inclinerai personnellement plutôt vers deux textes moins connus qui me paraissent saisir particulièrement bien la fonction thaumaturge, si j'ose dire, et métaphorique du football. Le premier de ces textes, publié en France chez Kidam, c'est « Les malchanceux », récit autour de la solitude d'un journaliste sportif chargé dans l'Angleterre grise et froide des années 70 de matchs de seconde zone, tandis que sa vie part à volo. Les malchanceux, c'est l'œuvre de B.S. Johnson, qui se suicidera à l'âge de 40 ans et qui était en quelque sorte l'un des grands brûlés de la littérature anglaise contemporaine. Jonathan Coe lui a consacré une biographie, traduite en français elle aussi, qui hélas n'a pas suffi à le faire redécouvrir. Le second de ses textes s'intitule « Le cours du jeu est bouleversé ». C'est d'Eshkol Nevo, peut-être le plus grand romancier israélien d'aujourd'hui. C'est un roman choral, suivant la vie et parfois le destin de quatre amis entre Haïfa et Tel Aviv, surtout entre deux Coupes du Monde, celle de 1998 et celle de 2002. C'est beau comme les plus beaux films de sauté et suffit à démontrer que le plus aimé des sports, qui peut être aussi le plus détesté, ne fait jamais que documenter nos vies, nos chagrins, nos rêves de gosse échoués bêtement, Mathieu, parfois, sur un terrain de foot. Eh bien, merci Olivier pour tous ces conseils de lecture. Je vous donne rendez-vous évidemment mardi prochain. Thank you. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous parlons de l'écrivain américain Lovecraft, l'un des pères de la littérature fantastique. L'historien et philosophe Cédric Monger nous a rejoint autour de cette table. Il a publié en 2011 aux éditions de La Clé d'Argent un ouvrage intitulé Lovecraft, le dernier puritain. Non pas qu'il n'y ait plus de puritains après lui aux États-Unis, loin s'en faut, mais Lovecraft se pensait lui-même comme un puritain en décadence. Cédric Monger va nous expliquer tout cela. Il se sentit alors transporté lui-même au sein d'incommensurables profondeurs, où des vagues de chaleur parfumée venaient clapoter contre son visage. C'était comme s'il eût flotté dans une mer torride teintée de rose, une mer enivrante dont les vagues se brisaient écumantes sur des rivages de feu. Une grande frayeur le saisit quand il entrevit cette immense étendue de mer houleuse clapotant contre de si lointains rivages. Une courte lecture d'atmosphère, extraite du recueil de nouvelles Démons et Merveilles pour entamer cette seconde partie. Bonjour Cédric Monger. Bonjour. Quel est votre livre préféré de Lovecraft ? Je ne sais pas si j'en ai un préféré au fond. Ou du moins ça change avec le temps. Il y a des textes que j'aime à un moment donné, puis d'autres que je délaisse, et puis ensuite, ça change. Hein. Alors, évidemment, il y a toujours les plus connus qui reviennent toujours, mais au fond, tous les textes valent au moins un peu. Mais s'il fallait en conseiller un pour le néophyte, par exemple. L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, c'est bien, ça fait 3-4 pages. Voilà. Ça raconte tout, ça explique tout. C'est un peu plus long que ça, mais oui, l'appel de Cthulhu. Oui. Alors vous indiquez dans votre livre Le Dernier Puritain que Lovecraft se vivait, je le disais, comme un puritain en décadence. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'on n'a pas tellement l'impression qu'il était tellement décadent, au contraire même, Lovecraft. Alors, décadence, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faudrait finalement employer pour traduire ça. Je crois que la phrase Dernier Puritain, ça vient d'un titre d'un livre de George Santayana, qui est un philosophe d'origine espagnole, américain, de langue anglaise, qui est très important aux États-Unis, qui est assez peu connu, je crois, en France, qui est peu traduit. Hein. Et il a écrit un roman qui s'appelle Le Dernier Puritain. 1936. Où il décrit la vie d'un puritain, donc un homme, un Américain, issu d'une de ces familles de brahmanes, hein, comme on dit, de cette aristocratie. Les wasp, en fait. Oui, mais l'aristocratie wasp, pas n'importe quel wasp. Les grandes familles du Nord-Est. Dans ce roman, il raconte effectivement qu'il y a un homme qui est une sorte de puritain parce qu'il est puritain de culture, de civilisation, mais au fond, il est un puritain en décomposition. Je crois que le terme anglais, c'est decay. Hein, en décomposition, parce que ça n'a plus aucun sens, au fond, parce que le monde a changé. Alors, il vivait comme un ascète, mais un ascète qui vivait son ascèse pour maximiser ses plaisirs, d'une certaine façon, un peu à la manière des épicuriens. Il vivait comme un ascète, surtout parce qu'il n'avait pas les moyens de vivre autrement. Quand il avait de l'argent, il aimait voyager, il aimait rencontrer des gens, il aimait les restaurants. Il mangeait trop de parmesan sur ses spaghettis, il mangeait trop de glace. Ah bon, enfin, je crois qu'il ne mangeait justement que de la glace à la vanille, très peu par ailleurs. Non, il avait effectivement certaines monomanies alimentaires, on va dire. Mais surtout, son puritanisme entendu au sens de l'ascèse, hein, mais c'est pas comme ça qu'il faut entendre uniquement le terme puritanisme, mais le puritanisme au sens de l'ascèse, c'est essentiellement par manque de moyens. Hein, c'est tout simplement parce que c'est un homme pauvre et un homme qui appartient à une classe qui est en décadence, là, pour le coup, hein, qui est cette petite aristocratie anglo-saxonne blanche qui est en train de perdre la guerre. La guerre démographique, la guerre du pouvoir, hein, tout simplement. Hein, ces gens-là n'auront plus la même place dans les États-Unis des années 40, 50, 60 qu'ils avaient avant. Hein. Avant, ils étaient tout, après, ils seront une partie, puis bientôt, ils seront peut-être plus grand-chose. Alors vous êtes philosophe ainsi qu'historien, ça peut paraître étonnant de prendre Lovecraft comme objet d'étude et pourtant vous avez une démarche un peu philosophique pour analyser Lovecraft. Alors je suis historien d'abord, j'ai fait un petit peu de philosophie, je ne suis pas philosophe, hein. Je fais un petit peu de philosophie, un petit peu de théologie catholique, je suis historien. Hein. Et l'intérêt pour Lovecraft est un intérêt de loisir au fond. Je me suis tourné vers Lovecraft pour un peu plaisir. Mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose de philosophique dans sa fiction. Ce n'est pas seul. Enfin, est-ce que de toute façon, est-ce qu'il y a seulement de la fiction? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, lui. Ah, c'est du réalisme. Alors là, vous seriez vous d'accord pour dire que Lovecraft c'est un romancier réaliste? Dans une certaine mesure, tout ce qu'il y a dans les fictions de Lovecraft est matériel. Du point de vue de la fiction. C'est-à-dire, il pose une fiction où il y a des extraterrestres, par exemple, ces fameux dieux qui sont en fait ni plus ni moins que des forces extraterrestres. Ma foi, l'existence de Martiens, par exemple, ne remettrait pas en cause la science que nous avons sur Terre. Je veux dire, ça, c'est pas du surnaturel. Je veux dire, c'est pas un fantôme, un Martien. Enfin, je prends un Martien, c'est peut-être trop près, mais je sais pas, un extraterrestre qui viendrait d'un coin de l'univers qu'on ne connaît pas, ça ne bouleverserait pas, je sais pas, Newton, Darwin, etc. Ça ne, c'est pas un fantôme, un extraterrestre. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un écrivain réaliste, puisqu'il n'y a pas de surnaturel. Il y a un surnaturel épistémologique, c'est-à-dire qu'il y a un surnaturel pour nous, parce qu'on ne comprend pas, mais in fine, ça s'explique. In fine, il y a tout est vrai, tout est matériel, tout est réaliste. C'est un matériel... Enfin, Lovecraft a une pensée qui est fondamentalement matérialiste, ça c'est clair. Pour lui, il n'y a qu'une substance dans l'univers qui est la matière. Et cette matière fonctionne selon des règles mécaniques. Fin de l'histoire. Ensuite, les Cthulhu, etc., bah, ils obéissent aux mêmes règles, sauf qu'ils sont plus gros. Plus gros. Et cette philosophie, donc ce serait une philosophie matérialiste, et aussi, vous insistez beaucoup là-dessus, Cédric Manger, une philosophie athéiste. Pourquoi est-ce que c'est très important de dire que Lovecraft était totalement un athée? Bah, en vertu de ce que je viens d'expliquer précédemment, c'est-à-dire dans un univers où il n'y a qu'une substance qui est la matière, bah, il n'y a pas de place pour un dieu qui serait d'une autre substance. Donc, puisqu'il n'y a pas de dieu, bien tout ce qui arrive, finalement, n'arrive que dans ce monde-ci, selon les règles de ce monde-ci, et il n'y aura pas de tribunal de cassation, en quelque sorte, de tribunal d'instance pour juger le bien et le mal. C'est-à-dire que ce qui nous arrive n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça qu'effectivement l'athéisme est central dans cette pensée et dans cette fiction-là, c'est qu'il n'y a, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de jugement. À Reinhard Kleiner, Theobald Manor, 11 juin 1920. Vénéré Bolingbroke, votre récente indifférence aux idées cosmiques me plonge dans un réel embarras. Nous savons naturellement qu'il n'y a pas de vie après la mort, car la vie et la pensée sont propres aux organismes matériels complexes. Mais autour de nous s'étend un espace illimité plein d'autres mondes, un espace à l'intérieur duquel nous ne sommes, pour ainsi dire, rien. Et les questions gigantesques qu'il suscite soumettent l'esprit humain à un martèlement désespéré. Ce que je ne peux comprendre, c'est comment votre imagination peut ne pas réagir devant ces gouffres mystérieux. Comment vous pouvez échapper à la curiosité brûlante d'un enfant près d'une porte presque close, à travers les fentes de laquelle viennent des bruits étrangement merveilleux et d'un autre monde, et des lambeaux de vision qui suggèrent des choses impensables. Comment, après ces terribles aperçus, vous pouvez encore rester indifférent aux suggestions d'un autre monde? Comment vous pouvez encore prendre au sérieux le minuscule genre humain, ses affaires et ses désirs? Je trouve cela réellement difficile à comprendre. Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Lovecraft. Lovecraft pour qui Cédric Manger, l'homme était, on vient de l'entendre, une toute petite chose à l'échelle de l'univers, une petite chose qui, du coup, ne devrait pas se prendre tellement au sérieux. Ah, effectivement, il y a une ironie chez Lovecraft. Une ironie qui est sans rien pour nous moquer, finalement. L'ironie est sans témoin. Nous sommes le seul témoin de l'ironie dont nous sommes la victime. Et en effet, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour nous regarder ou nous juger, tout ce qui a du sens dans le monde dans l'univers, il faut le trouver en soi, y compris l'humour, hein, l'ironie. Hein. Et donc, c'est une sorte de recours à son propre esprit, à sa capacité de rêver, à sa capacité de créer de l'esthétique, qui doit permettre de générer une sorte de sens. Hein. D'où le fait que, paradoxalement, on arrive à un Lovecraft qui est parfaitement matérialiste et qui valorise le rêve. Mais justement, puisqu'il n'y a rien en dehors de la matière, que si nous voulons donner un petit peu d'esthétique, si nous voulons donner un petit peu d'allure à cette farce, eh bien, il faut trouver les ressources en soi, hein, et écrire nous-mêmes notre propre histoire. Donc la liberté, elle n'est que dans le rêve, c'est ça? La seule liberté qu'on peut avoir? Elle est dans la façon dont on appréhende ce qui nous arrive. Voilà. Hein. Donc c'est aussi ça, du coup, une grande liberté, parce qu'on peut faire ce qu'on veut de sa vie. S'il n'y a pas de Dieu? Oui, sauf qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a la matière. Et que la matière, elle obéit aux lois de la mécanique. Donc il y a une sorte d'enchaînement inexorable de causes et de conséquences, et dont nous sommes finalement que un des maillons. Hein. On est surdéterminé par le passé et on détermine le futur. Hein. Donc non, la liberté, c'est uniquement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas une liberté d'agir, c'est finalement une liberté de se positionner par rapport à soi-même. Ce que fait Lovecraft, puisque finalement, lui, biographiquement, c'est quand même quelqu'un de très passif. C'est le moins qu'on puisse dire, il ne fait rien. Passif et conservateur, oui. Oui, il attend. Hein. Mais par contre, il arrive à avoir une position par rapport à lui-même qui lui permet de créer cette littérature qui est tout de même une des très belles choses du fantastique du XXe siècle, ou de l'horreur du XXe siècle, ou de la science-fiction du XXe siècle, ça aussi, très bas. Mais, Et est-ce que vous voyez un lien, Cédric Manger, entre cette manière de voir et le fait d'écrire de la littérature fantastique, parce qu'il aurait pu écrire un autre type de littérature? Est-ce que l'espèce de nihilisme, quand même, c'est un petit peu ça, dont il fait preuve, peut engendrer ce type de littérature plus qu'une autre? Il dit quelque part en sa correspondance qu'il ne peut rien lire ou qu'il fasse plus de 3 pages de long, je crois, où il n'y a pas un massacre ou un meurtre par page ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime la littérature populaire. Et donc, il fait de la littérature populaire parce que... Enfin, il y en a plein de la littérature populaire. Oui. La littérature d'amour, c'est de la littérature populaire aussi. Oui. Or, il n'y a pas tellement d'amoureux. Il n'y en a même pas, il peut y en avoir un seul chez Lovecraft. Il n'y a pas d'amour dans les nouvelles de Lovecraft, c'est vrai. Et il est vrai que Lovecraft a fait un choix littéraire qui est celui du rêve, hein, et ses conséquences. C'est sa jeunesse, hein, il a lu certains auteurs, il fait pareil. Darwinisme de Lovecraft, Jacky Ferjeau. En quel sens? Où est-ce qu'on retrouve chez Lovecraft l'idée de l'évolution de l'espèce? L'homme est un animal. Voilà, c'est tout. Ça n'est qu'un animal. Ce n'est qu'un animal. La seule particularité à la limite que l'on pourrait trouver à l'homme, c'est ce qu'on vient de dire, à savoir cette capacité réflexive qui lui permet d'esthétiser son propre destin. La différence entre le chien et l'homme, c'est que l'homme est capable de dire que lorsque le maître le bat, c'est parce que c'est Dieu et parce qu'il a péché, alors que le chien se contente de couiner et voilà. C'est la seule différence, au fond. Donc oui, il y a un darwinisme. Et ce darwinisme vulgaire, au sens, je veux dire, c'est pas un darwinisme très, très savant, hein, c'est un darwinisme de la lutte pour la vie, hein. Eh bien, il englobe non seulement les hommes et les animaux, mais aussi ces dieux, entre guillemets, qui sont finalement que des créatures extraterrestres, qui eux aussi sont soumis au struggle for life, hein. Ils se battent aussi pour vivre, ils mangent, ils nous tuent, ils nous écrasent. Sauf qu'évidemment, la différence qu'il y a entre l'une de ces entités lovecraftiennes et l'être humain est tellement grande dans l'échelle des êtres, que ça crée de l'horreur. Mais au fond, si on voulait réfléchir, si on voulait se mettre à la place un instant, je sais pas, d'une bactérie, hein, le sort d'une faisons bactérie... Faisons cet effort. Oui, oui. Voilà. Mais, quand on se lave les mains et on tue probablement des, j'ai aucune idée, mais peut-être des milliards de pauvres petites bactéries, et on s'en soucie même pas. Mais au fond, lorsque Cthulhu bouge, se déplace dans son sommeil, bah oui, bah, il écrase un petit peu quelques humains, bah, et c'est pas... L'écart est tellement fort que c'est de là, finalement, que vient l'horreur. Hein. C'est... Donc Cthulhu, il faut rappeler que c'est un ancien, ce qu'on appelle un ancien, c'est un espèce voilà. de gros monstre extraterrestre. Voilà, c'est une des entités qui peuple ce qu'on appelait le mythe de Lovecraft. Hein. Mais effectivement, à chaque fois qu'on a un de ces monstres lovecraftiens qui nous fait du mal, qui fait du mal aux hommes, c'est pas parce qu'il veut leur faire du mal aux hommes. Il en a rien à faire des hommes. C'est pas à son niveau. Hein. C'est, je vous l'ai dit, hein, c'est l'homme en voiture qui écrase un lapin sans le voir. C'est de cet ordre-là. Et ça rejoint cette idée qu'on entend parfois que les extraterrestres, au fond, ils nous ont déjà trouvés, nous les humains, mais simplement, nous sommes insignifiants pour eux, comme la fourmi est insignifiante pour nous. C'est ça aussi ? Quelque chose, oui, c'est quelque chose, cet ordre-là. Hein, effectivement, on est tout simplement rien. Quoi. C'est même pas qu'on nous... On nous déteste pas, on nous méprise pas, on est tout simplement tellement en deçà de tout. Voilà, c'est ça. On n'est pas digne d'intérêt. On n'est pas digne d'intérêt, et non, on n'est pas digne d'intérêt. Je n'ose pas vous demander ce que vous en pensez personnellement. Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré d'entité lovecraftienne pour pouvoir en juger, mais enfin, en tout cas, j'imagine ce que une fourmi par terre et qui se fait marcher dessus. Je me dis finalement, si nous sommes ça par rapport à ces créatures-là, eh bien oui, c'est atroce. Espérons qu'on ne nous marche pas trop tout de suite dessus. Savoir que Dieu n'existe pas, c'est, on l'a vu, quelque chose d'insupportable, parce qu'au fond, c'est agréable d'avoir un Dieu pour nous soutenir. Mais vous dites, Cédric Monger, que ce qui est encore plus insupportable, c'est la conscience que ce Dieu n'existe pas. À la limite, qu'il n'existe pas, ce n'est pas grave, mais d'avoir perdu l'innocence, d'avoir perdu la croyance, c'est ça qui est profondément effrayant. Et c'est ça qui fait que on ressort des livres de Lovecraft avec parfois une boule au ventre. Mmh. Oui, parce que Lovecraft, lui, ne croit pas, clairement, depuis son plus jeune âge. Hein, il ne s'est jamais... Il n'a jamais eu le recours à la consolation de l'espoir. Hein. Or, sa vie n'est pas très heureuse. Il perd son père quand il est très jeune, sa mère un peu plus tard. Son père était fou, on l'a pas vraiment dit hier, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il y a toute une histoire sur les causes de cette folie. Hein. Bon, après, c'est autre chose. Mais oui, enfin, en tout cas, il a eu ça, ces malheurs dans sa vie-là. Même lui, il meurt tout de même dans des conditions assez... assez terrible et il accepte tout ça alors même que ben, finalement il devrait hurler. Mais après tout, hurler devant qui ? Je veux dire, quand on fait un caprice, quand on pleure, il faut un témoin. Il y a tellement pas de témoins pour Lovecraft qu'il a même pas besoin de hurler. Finalement, il peut accepter ça presque en souriant, presque. Pourquoi on lit Lovecraft ? Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on lit Lovecraft comme on va voir un film d'horreur ? Est-ce qu'on lit Lovecraft pour avoir peur ? Est-ce qu'on lit Lovecraft pour se sentir mieux, pour être pris dans l'histoire ? Peut-être qu'on lit Lovecraft comme un enfant lit la littérature pour enfants. Foncez ça, je crois. C'est à la fois complètement du rêve, c'est complètement irréel, et en même temps, enfin pour nous, je veux dire, et en même temps, on a l'impression que c'est ça, tout simplement. Alors oui, bien sûr, on peut exorciser la peur en se disant que ces créatures-là n'existent pas, hein, mais en même temps, quand on referme le livre, on se dit, ben oui, peut-être que c'est vrai qu'on n'est rien. Merci Cédric Monger. Holy, holy, holy. 10h54 sur France Culture, le moment comme chaque jour de retrouver Jacques Bonafé et notre séquence de lecture de poésie toutes les semaines. Une lecture de divers extraits de poésie arabe, voilà ce que nous propose Jacques Bonafé aujourd'hui, deuxième épisode intitulé « Les deux poètes ». Bonjour. Toute la semaine, guidé par la préface magnifique, exubérante, luxuriante de René Kawam, nous irons nous frayer un chemin dans la poésie arabe, des extraits des collections Simbad chez Actes Sud, Libretto, Babel, achetés à la librairie de l'Institut du Monde Arabe, qu'il soit loué comme il est grand. Les deux poètes d'Adonis. Dans la ville blanche, Parmi les miettes de pain habitent deux poètes. Le premier est noir, l'une brisée dont les baleines recherchent les débris. L'autre est blanc, tel un enfant, il dort toutes les nuits avec un serpent noir. Je crois que ça veut dire que personne il est tout blanc. Hein, comme disait Borges, tout être est double, mais le véritable est l'autre. La poésie arabe émane d'une âme rebelle, et la générosité est l'autre face de l'orgueil démesuré qui peut aller jusqu'à l'anéantissement de l'autre. Perdure dans ta haine et ton hostilité, et mène ta vie. Ton aversion ne touche personne. Tu es dépourvu de tout ce que je peux espérer. Ne vois-tu pas que ma poésie voyage vers d'autres horizons quand la tienne, prise dans ton étau, est enfermée? Abdallah ibn al-Asraj al-Jahadi, poète pré-islamique, les poètes s'affrontent et se substituent aux guerriers. L'héroïsme s'exprime grâce à une langue en mouvement qui s'adresse aux nerfs, à la peau, aux muscles, aux organes des sens et séduit l'âme. L'héroïsme du poète Jahalilite n'est pas force aveugle, mais bravoure, qui embrasse et respecte même les ennemis. Du loup de la steppe, je devins le compère. La crainte au début nous séparait. Nous rapprochant l'un de l'autre, nous sommes devenus familiers. J'aurais pu le tuer si j'étais traître. Poème de Al-Huaymar As-Sa'di. On a volontiers de l'arabe du désert l'image d'un pillard. Cette image serait incomplète si l'on ajoutait que la morale du désert n'autorise le rapt que s'il précède et annonce le don. Razier est honorable, mais accaparer vous range d'office dans le clan d'indignité. Certaines gens sont pétris de haine, on dirait que la braise des passions éclaire leurs entrailles. Envers et contre nous, les poitrines frémissent comme une marmite sur les flammes. Poème de Hassan ibn Thabit al-Ansari. Les traditions du désert, dont la culture arabe aujourd'hui encore se considère comme l'héritière légitime, ont toujours placé au premier rang des vertus l'hospitalité, la générosité. Demain, nous écouterons Ma'ari, le poète philosophe pessimiste. « Mon âme a eu ce mot, je nage dans le vice et l'ordure. Prends patience, lui dis-je, et endure ton épreuve. Il le faut. » Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé lisait des extraits de Poésie arabe dans la compagnie des auteurs. Point d'orgue à une émission consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivain fantastique américain Howard Phillips Lovecraft. Merci à mes deux invités d'aujourd'hui avec qui nous avons exploré sa vision du monde et sa vision politique. Jackie Ferjot, votre livre Lovecraft et la politique est disponible aux éditions L'Œil du Sphinx. Vous avez également publié une biographie romancée de Lovecraft, toujours à L'Œil du Sphinx. Et puis est attendu votre prochain ouvrage, Lovecraft et New York. Merci également à Cédric Monger. Votre livre à vous, c'est Lovecraft, le dernier puritain. Il a paru aux éditions La Clé d'Argent. Et puis je signale que vous publierez après l'été chez Vendémiaire une histoire de la naissance du satanisme moderne en Californie. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de France Culture en attendant demain. Et un numéro consacré à la ville, l'architecture et les cités enfouies chez Lovecraft. Nous parlerons en seconde partie des adaptations cinéma de ses œuvres. Ce sera avec l'universitaire Gilles Ménégaldo. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz.